إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات والكسوف والخسوف والليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والنجوم والأفلاك كلها من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وكمال تدبيره واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له وأن الخلق كلهم مفتقرون له خاضعون له ليس للطبيعة في ذلك أمر ولا قدرة فما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ومن نعم الله تعالى العظيمة على عباده التي يغفل عنها كثير من الناس نعمة ثبات الأرض كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء فالله تعالى جعل الأرض كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالزلازل والبراكين ليذكرهم بنعمة ثبات الأرض وبسطها وتسويتها وتمهيدها لاستقرار الخلائق على ظهرها والتمكن من حرثها وغراسها والبنيان عليها والانتفاع بما فيها من خيرات يقول الله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا فقال جل وعلا وإلى الأرض كيف سطحت لما قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت عباد الله من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل وشمولها ودوامها كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقرب الزمان وتظهر الفتن ويظهر الهرج ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض رواه البخاري ومن وهذه الزلازل الدنيوية تذكرنا بيوم القيامة وأهوال الآخرة فهي من أشراطها وتذكر بما كما قال الله جل وعلا وتذكر بها كما قال جل وعلا قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عباد الله إن الزلازل لها أسباب وحكم لا تعارض بين السبب والحكمة وصاحب القلب الحي لا يخلط بينهما ولا يشغله السبب المادي عن الحكمة الإلهية ولا يكون حالك حال الماديين الذين لا يؤمنون بالله تعالى وينشغلون بالأسباب الظاهرة عن التفكر في قدرة الله وحكمته كما قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، من الحكم أو من حكم الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات أنها آيات يخوف الله بها عباده حتى يرجع إليه ويتوب ويقلع عن الذنوب والخطايا، كما قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال قتادة رحمه الله تعالى: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. كما قال: ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، أي اطلب منه أن يزيل عتبه بترك الذنوب والتوبة النصوح. ومن أسباب الزلازل التي يخبر بها بعض العلماء، قالوا كما قال أهل العلم: أيها المسلمون، تصيب الزلازل المؤمنين والكافرين. وما يقع ببعض البلاد أو لبعض بلاد المسلمين من الزلازل المدمرة ونحوها يكون من باب الابتلاء، تكون من باب الابتلاءات التي يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد يكون عقوبة على المعاصي، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يكون ابتلاء لقوم وعقوبة لآخرين من نفس البلد، وقد يكون ابتلاء لقوم وعقوبة لآخرين من نفس البلد، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهو أعلم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بوقوع الزلازل أنه يصطفي بسببها من الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشهداء خمسة: المطعونون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري. إذن الشهداء خمس: المطعون، المبطون، الغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ويستحب عند وقوع الزلازل وغيرها من الآيات العظيمة التضرع إلى الله جل وعلا والإنابة إليه والإقلاع عن المعاصي والمبادرة إلى التوبة والاستغفار والإلحاح إليه بالدعاء والذكر والصدقة وغيرها من الأسباب التي يستدفع به العذاب والنقم. عباد الله، إن معرفة أحوال الطقس ونزول الأمطار وحدوث الزلازل والفيضانات والبراكين وهبوط الرياح وهبوب الرياح وتوقع ذلك لا يدخل في التنجيم وادعاء علم الغيب، لأنها تبنى على أمور حسية وتجارب ونظر في سنن الله الكونية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. عباد الله، chaque croyant, chaque croyante, serviteur d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour nous et par miséricorde pour ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie constamment des rappels. Et ces rappels-là, pour qu'on puisse les méditer, y réfléchir, et penser à notre demeure et à notre place dans la vie de l'au-delà. Du fait que l'être humain, l'individu dans cette vie d'ici-bas, parfois il est tellement plongé dans ses activités et ses préoccupations qu'il en oublie sa place dans l'au-delà. Et donc tous ses espoirs sont basés sur cette vie d'ici-bas. Et tous ses projets sont basés sur cette vie et pour cette vie d'ici-bas. Alors lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous envoie des rappels, alors ça c'est une miséricorde pour les croyants et les croyantes. Et parmi les rappels que parfois Allah Jalla wa Ala peut nous envoyer, le fait que la terre puisse trembler, le tremblement de terre, ou certaines catastrophes, certains malheurs, comme des inondations, des volcans. Et il y a d'autres signes, parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, qui font partie des signes qu'il faut réfléchir et méditer, comme l'éclipse solaire ou lunaire, ou bien l'alternation ou du temps, c'est-à-dire de la nuit et du jour, lorsqu'on voit le jour, la nuit, les éclipses, tout cela. Le fait de regarder le soleil, le fait de contempler le ciel, le fait de contempler cet univers, il y a un rappel pour le croyant. Et donc, les tremblements de terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il arrivera un temps où ils vont se multiplier, ils vont s'accroître, et cela va s'intensifier fi akhiriz zaman, à la fin des temps. Parmi les choses qu'il faut méditer lorsqu'il y a des tremblements de terre et lorsque la terre tremble, les savants nous rappellent des versets dans le Coran, nous disant, première leçon qu'il faut tirer, c'est de se rappeler le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la stabilité de la terre. Et ça, souvent on n'y pense pas et on l'oublie, la stabilité de la terre, le fait que celle-ci soit bien établie et stable pour que les hommes puissent vivre sur cette terre. Ça fait partie des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les grands théologiens musulmans rappellent la communauté et la masse des musulmans que lorsqu'il y a un tremblement de terre, ça nous rappelle la ni'ma, le bienfait de la stabilité de celle-ci, lorsque celle-ci est stable. Regardez Allah azza wa jal dans un verset, on dit une traduction relative du sens du verset. C'est Allah qui a fait pour vous de la terre un lieu d'établissement, et du ciel un toit, qui vous a donné la plus belle des formes et qui vous a accordé une subsistance licite et bonne. On voit dans ce verset, comme les savants nous relatent dans l'exégèse, qu'Allah Jalla wa Ala nous rappelle ce bienfait qu'il a fait de cette terre un lieu d'établissement et le ciel un toit. Dans un autre verset, dans un autre passage du Coran, dans son noble livre, Allah Azza wa Jalla nous dit, n'avons pas fait pour vous de la terre un berceau et des montagnes ses piquets. Donc Allah Jalla wa Ala, si on médite différents versets, il nous rappelle ce bienfait de la stabilité de celle-ci, c'est-à-dire de la terre. Donc c'est un lieu d'établissement. Sinon, on ne pourrait pas bâtir de vie, on ne pourrait pas bâtir d'édifices, on ne pourrait pas construire de maisons qui sont nos demeures. On ne pourrait pas y vivre sur cette terre. Donc, parmi les bienfaits à méditer, le fait que la terre soit stable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il la fait trembler quand il le désire et quand il le veut, subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, une traduction relative des sens des paroles de notre Créateur, Allah nous dit, ne voit-il pas comment les chameaux ont été créés, comment le ciel a été élevé, comment les montagnes ont été dressées et comment la terre a été nivelée. Donc Allah Jalla wa Ala nous incite à observer sa création. Ne voit-il pas, Allah en parlant des hommes, en parlant des gens, ne voit-il pas comment les chameaux ont été créés? Ne voit-il pas le ciel, comment il a été élevé? Ne voit-il pas les montagnes, comment ils ont été dressées? Et comment la terre a été nivelée? Tout cela, c'est mis au service de l'homme. Mais l'homme ne remercie pas. L'homme est ingrat. Il ne remercie pas. Et donc Allah Azza wa Jal nous rappelle ses bienfaits. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a un tremblement de terre, il faut tirer leçon. Il faut méditer, premièrement, sur le grand bienfait d'Allah, la miséricorde d'Allah, le fait que cette terre soit stable. Quand celle-ci tremble, aussi il y a un grand rappel. Les grands théologiens musulmans nous enseignent que ça nous fait un rappel. Pourquoi? Parce que Allah Jalla wa Ala, c'est pour cela que ce n'est pas tout le temps une punition. Comme on va le voir, ça peut être une punition pour nos fautes et nos désobéissances. Mais souvent, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des signes, pas par punition. Il y a différentes causes. Et parfois, c'est pour tahwifan. Allah nous dit dans un verset, il envoie des signes pour nous effrayer, pour nous faire le rappel. Et pour nous rappeler le jugement de l'au-delà. Et d'ailleurs, regardez dans un verset, dans une traduction approchée de la parole d'Allah Azza wa Jal. Il y a un verset qui nous prouve que les tremblements de terre nous rappellent justement. Et par ceci, il faut se rappeler l'au-delà et le jugement de l'au-delà. Allah nous dit, ô homme, craignez votre Seigneur, car le séisme précédant l'heure sera terrible. Le jour où vous assisterez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Les hommes sembleront ivres alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment sera sévère. Dans ce verset, Allah, Jalla wa Ala, notre Créateur nous dit, ô homme, craignez votre Seigneur, car il y arrivera un jour, il y aura un séisme immense qui précédera l'heure. Il sera tellement terrible. Allah dit, car le séisme précédant l'heure sera terrible. Le jour où vous assisterez à cela, même la femme qui allait son nourrisson, elle l'oubliera. Tellement ça sera terrible. Et celle qui était enceinte, elle avortera. Tellement l'heure sera tragique et tellement cela sera terrible. Et les hommes sembleront soukara. Lorsqu'on verra les hommes, ils sembleront comme s'ils sont ivres. Comme s'ils sont en état d'ivresse. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas soukara. Ils ne sont pas en état d'ivresse, jusque le châtiment d'Allah Jalla wa Ala, il est sévère. Et donc en réalité, ce sont des miséricordes. S'il n'y a pas ce genre de rappel dans cette vie d'ici-bas, si Allah Jalla wa Ala ne nous fait pas le rappel, on va oublier. Et on va sombrer dans l'insouciance. Déjà avec les rappels, les épidémies, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le corona. Juste après l'épreuve, les gens ont oublié. Ils sont retombés dans leur distraction et leur insouciance. Allah Jalla wa Ala nous donne des rappels avec les inondations, avec les catastrophes. Tout cela provient d'Allah Jalla wa Ala. Et parfois, pour terminer, les savants nous disent. Donc il faut méditer. Il y a un rappel. Ça nous fait penser au jugement de l'au-delà. Ça peut être une punition pour nos fautes. Mais parfois, ça peut être une purification. Et donc parfois, dans une terre, il y a des pieux, il y a des vertueux, et il y a des gens qui sont à l'inverse. Il y a des injustes et des gens non vertueux. Et Allah Azza wa Jal envoie ces épreuves. Même s'il y a des pieux et des vertueux, des gens qui font preuve d'équité sur cette terre. Et chacun ensuite sera jugé selon ses œuvres. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Donc certains, c'est une kafara, c'est une expiation de leur faute et une purification ici-bas s'ils sont éprouvés par ces tremblements de terre, par ces inondations, ou par ces séismes, ou par des volcans, ou par autre calamité. Certains pour eux, c'est une expiation. Certains pour eux, c'est un rappel à l'ordre. Certains pour eux, c'est une punition. C'est une uquba. Donc, il y a différentes causes. À l'époque, il s'est produit un tremblement de terre à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, le deuxième calife de l'islam à Médine. Et Omar avait dit, s'il se reproduit un autre séisme, un autre tremblement de terre, je vous quitte. Pour cause des péchés. Parce que souvent, ça vient à cause de la désobéissance du Créateur. Alors, c'est pour cela que tout cela nous rappelle. Tous les signes qu'on a, tous les jours, il faut se rappeler. Allah est miséricordieux et clément envers nous. Avant que notre délai arrive, Allah Jalla wa Ala nous envoie des signes. Pour le craindre. Pour revenir vers lui repentant. C'est ça le but. C'est de revenir vers Allah Azza wa Jalla repentant. De lui demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes. On a fauté dans le passé. Et on faute encore. Où est l'issue? Comme disait un grand imam, lorsqu'un homme lui a dit, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? J'ai fauté toute ma vie. Alors l'imam lui a dit, tu es bon dans le temps qu'il te reste à vivre. Tout le temps qu'il te reste à vivre, sois bon. Et il lui a dit, tout ton passé sera pardonné. Si tu arrives à être bon, c'est pour ça qu'il faut penser au présent. Ta vie est au présent. Il ne faut pas vivre dans le passé, comme beaucoup de gens font. Ils remuent le passé et les discordes passées. Il faut enterrer cela, parce que le passé est passé. Vous ne pouvez pas revenir vers le passé. Et beaucoup sont éprouvés, beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans le passé. C'est pour détruire leur présent. Et on a un troisième jour, qui est le futur. Donc on a le présent, on a le passé et le futur. Le futur, c'est un faux espoir. Il ne faut pas vivre dans le futur. Mais il faut vivre l'instant présent. Et en vivant bien l'instant présent, vous pouvez réparer le passé. Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle. Ces signes-là, c'est pour nous rappeler, pour qu'on puisse réparer et purifier notre passé. Et pour terminer, mes frères, il faut aider les gens qui sont touchés de cette manière. Donc même ceux qui n'ont pas été touchés par ces séismes et ces tremblements, que devons-nous faire? Il faut les aider. Ceux qui ont des zakawats, ceux qui ont des zakats, les savants disent qu'on peut envoyer zakat, c'est permis. Sauf à condition, il y a des conditions. Il faut que ces zakats soient vraiment donnés aux nécessiteux qui sont sur place. Parce que c'est les nécessiteux, les indigents et les pauvres qui méritent zakat. On parle de la zakat al-mal. Zakat al-mal. Ceux qui veulent donner leur zakat al-mal pour aider ces gens qui sont dans la difficulté, alors vous pouvez donner votre zakat. Sauf la condition, il faut la donner à des organismes et des associations dignes de confiance. Et qui séparent entre les aumônes et zakawat. Et zakat. Et donc, la zakat, de sorte qu'elle sera donnée à ceux qui la méritent. Ou à ceux qui sont en droit de la recevoir, comme les pauvres, les nécessiteux, et qui font partie des huit catégories de ceux qui peuvent recevoir zakat. Sinon, donnez de vos aumônes pour les aider. Parce que c'est un rappel pour nous. Et vous savez, le croyant, Allah, Jalla wa Ala, a fait de nous des frères. Et vous savez que le prophète, sallam, il dit, on est comme un seul corps, un seul édifice. Vous avez dans le corps, lorsqu'un membre est malade, ensuite ça provoque de la fièvre, c'est tout le corps qui a mal. Tout le corps, il a mal. Les croyants sont comme cela. Lorsqu'un croyant a mal, tous les croyants ont mal. Lorsqu'un croyant est touché, tous les croyants sont touchés. Lorsqu'un croyant est en détresse, tous les croyants sont en détresse. Lorsqu'un croyant est attristé, il vit dans l'anxiété, on est tous dans l'anxiété et la tristesse. C'est dur. Mais c'est comme ça qu'on doit être et c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est ce qu'on appelle de l'empathie. De ressentir les difficultés des autres. Et ça, ça va nous aider à les aider. Et si on soulage des gens ici-bas, un croyant dans cette vie d'ici-bas, Allah va nous soulager des afflictions ici-bas et dans l'au-delà. Wallahu fi'auni al-'abd madam al-'abd fi'auni akhi. Et Allah est dans l'aide et l'assistance de son serviteur tant que celui-ci est dans l'assistance des autres. Wallahu a'lam. نسأل الله جل وعلا يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد نساءنا. اللهم اهد بناتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم.